Giovanni Verga, La malaria, nouvelle. Vous croyez pouvoir la toucher. Une fumée qui sort de la terre grasse qu'enferment les montagnes de l'Agnone et l'Etna couronnées de neige, une fumée stagnante sur la plaine, comme l'atmosphère épaisse de juillet. Le soleil de braise y naît et y sombre, et la lune pâle, et la voie lactée qui semble flotter dans une mer de vapeur, et les oiseaux, et les blanches marguerites du printemps, et l'été torride. Sous la brume d'automne, les canards migrateurs y passent en longues files noires, et le fleuve y coule, brillant comme du métal, entre des rives larges et désertes, blanches et bréchées, couvertes de cailloux. Au fond, le lac de Lentini, sans une barque ni un arbre, immense, immobile. Quelques bœufs paissent sans appétit le sol pierreux, de la boue jusqu'au poitrail et le poil hérissé. Quand la cloche du troupeau résonne dans le silence, les sarcelles s'envolent silencieuses, et le berger, jaune de fièvre et blanc de poussière, ouvre un instant ses paupières gonflées et lève la tête à l'ombre des joncs desséchés. C'est que la malaria vous entre dans les os avec le pain que vous mangez, et pour peu que vous ouvriez la bouche, tandis que vous marchez le long des routes étouffantes de poussière et de soleil. Et vous vous sentez manquer les genoux, ou vous vous abandonnez sur le bas de la mule qui va l'amble, la tête basse. En vain, Lentini et Francoforte et Paterno essaient de grimper, comme des brebis échappées, aux premières collines qui fuient la plaine et s'entourent d'orangers, de vignes, de jardins toujours verts. La malaria saisit les habitants dans les rues dépeuplées et les cloue devant lui des maisons écaillées par le soleil, tremblant de fièvre sous leurs manteaux, toutes les couvertes du lit sur les épaules. Là-bas, dans la plaine, les maisons sont rares et d'aspect désolé. Au bord des routes mangées de chaleur, entre deux tas de détritus fumants, adossées à des étables croulantes où attendent, l'œil éteint, liés à la mangeoire vide, les chevaux de rechange. Il y a encore, au bord du lac, le rameau décrépit, suspendu au-dessus de la porte, qui indique l'auberge, les grandes chambres vides, et l'hôte somnolent sur le seuil, la tête serrée dans son mouchoir, épiant, à chaque réveil, dans la campagne déserte, l'arrivée possible d'un voyageur altéré. Ou bien ce sont de petites bicoques de bois blanc, coiffées du maigre plumage de quatre eucalyptus, le long de la voie du chemin de fer qui coupe la plaine en deux, comme un coup de hache, où la machine court avec un sifflement plus aigu que le vent d'automne, et d'où s'élève la nuit des étincelles enflammées. Ou enfin, de ci, de là, des maisons isolées, le toit soutenu par des colonnes extérieures, les volets pendant de travers devant le pré crevassé, à l'ombre des hautes meules de paille où les poules dorment la tête sous l'aile. Et l'âne laisse retomber son museau, la bouche encore pleine de foin, et le chien se dresse soupçonneux et jette un rauque aboi à la pierre qui se détache du mur, au lézard glissant, à la feuille qui bouge dans la campagne inerte. Le soir, à peine le soleil couché, on voit paraître sur le pas des portes des hommes au teint brûlé, avec de grands chapeaux de paille et de larges pantalons de toile qui bâillent et s'étirent les bras, et des femmes à demi nues, les épaules noires, allaitant des bébés pâles et défaits, dont on a peine à croire qu'ils deviendront grands, et noirs eux aussi, et qu'ils rouleront sur l'herbe quand le pré reverdira, et que toute la campagne rira sous le soleil. Et on se demande où et pourquoi habitent ici tous ces gens qui, le dimanche, accourent de 10 lieues à la ronde, aux petites églises solitaires, entourées de haies de figuiers sauvages, accourent de très loin, jusqu'où l'on entend résonner la cloche fêlée dans la plaine qui n'en finit plus. C'est que là où règne la malaria, c'est terre bénie de Dieu. En juin, les épis se courbent au sol tant ils sont lourds, et les sillons fument comme s'ils avaient du sang dans les veines, à peine les entame le soc de novembre. Alors, il faut bien que celui qui sème et qui récolte tombe comme un épi mûr, puisque le Seigneur a dit « Le pain qu'on mange, il faut le gagner à force de sueur ». Lorsque la sueur de la fièvre laisse son homme tout parcheminé sur la paillasse de maïs, et que la quinine et l'eucalyptus ne servent plus à rien, on le charge sur la charrette à foin, ou à travers le bas de l'âne, ou sur une échelle, enfin n'importe comment, et on va le déposer près de la petite église solitaire, sous les figuiers épineux dont, à cause de ce voisinage, personne ne veut les fruits. Les femmes pleurent en groupe et les hommes regardent en fumant. C'est ainsi qu'on avait emporté le fermier de Valsavoia, qui s'appelait Massaro Croce, et qui avalait depuis 30 ans de la quinine et du sirop d'eucalyptus. Au printemps, il se portait mieux, mais à l'automne, lorsque repassent les canards, il se mettait un mouchoir sur la tête, et on ne le voyait plus sur le pas de sa porte que tous les 2 jours. Il avait fini par n'être plus que des os ou de la peau, et son ventre était gros comme un tambour. On l'appelait le crapaud, sans doute aussi pour son humeur rude et sauvage, et parce que ses yeux étaient devenus pâles et à fleur de tête. Il répétait sans cesse « Ne craignez rien, le maître prendra soin de mes enfants ». Et, de ses grands yeux étonnés, il regardait bien en face ce qui entourait son lit le dernier soir et qui venait lui mettre une bougie sous le nez. L'oncle Ménico, le chevrier, qui s'y connaissait, disait qu'il devait avoir le foie dur comme une pierre et pesant au moins 15 kilos. Un autre ne manqua pas d'ajouter « Maintenant, il s'en fout pas mal, il s'est engraissé et enrichi aux dépens du maître, et ses enfants n'ont besoin de personne. Crois-tu que c'est pour les beaux yeux du maître qu'il a avalé tant de quinine et de malaria pendant 30 ans ?» Compère Carmine, l'aubergiste du lac, avait perdu de la même façon 5 enfants, l'un après l'autre, 3 garçons et 2 filles. Les filles, ce n'étaient encore que demi-mâles. Mais les garçons mouraient juste quand ils étaient grands et en âge de gagner leur pain. Il le savait aujourd'hui. Il savait comment les fièvres allaient abattre le dernier après l'avoir travaillé 2 ou 3 ans. Aussi ne dépensait-il plus en quinine ou en sirop. Il se contentait de tirer du bon vin et se mettait à fricoter tous les bons petits plats de poisson qu'il savait pour chatouiller l'appétit du malade. Il partait le matin avec sa barque et revenait chargé de céphales et d'anguilles grosses comme le bras, et, debout devant le lit de son fils, il lui disait « Tiens, mange !» Le reste, Nanni, le charretier, le prenait pour aller le vendre à la ville. « Le lac vous en donne et le lac vous en prend !» disait Nanni au compère Carminet qui pleurait en cachette. « Que voulez-vous qu'on y fasse, mon frère ?» Le lac lui avait déjà donné de beaux profits. Et à Noël, quand les anguilles se vendent cher, c'était dans la maison du lac de joyeux repas devant le feu, macaronis, saucisses et tout ce que Dieu donne de bon, tandis qu'au dehors hurlait le vent comme un loup qui aurait froid et faim. Ainsi ceux qui étaient restés se consolaient des morts. Mais peu à peu la famille se clairsema, tant que la mère se tenait toute crochue sous le poids de son chagrin, et le père, toujours gros et gras, ne quittait pas la porte pour ne pas voir les grandes chambres vides où naguère chantaient et travaillaient ses enfants. Le dernier épargné refusait absolument de mourir et pleurait et se désespérait chaque fois que le prenait la fièvre. Et il finit même, tant il craignait la mort, par se jeter à l'eau. Son père, qui savait nager, le repêcha et lui dit des sottises, car ce bain froid allait lui rendre la fièvre de plus belle. « Oh !» sanglotait le jeune homme, les mains dans ses cheveux, « il n'y a plus d'espoir pour moi, il n'y en a plus !» Tout à fait sa sœur Agathe, qui ne voulait pas mourir parce qu'elle était fiancée, disait compère Carminet à sa femme assise près du lit. Elle, qui depuis longtemps ne pleurait plus, approuvait de la tête, le corps tout contrefait. La femme, réduite à cet état, et son mari gros et gras, ils avaient la peau dure et restaient seuls à garder la maison. La malaria n'en veut pas à tout le monde. Il arrive qu'on vive 100 ans avec elle, comme Chirino, l'idiot, qui n'avait ni roi ni royaume, ni art ni métier, ni père ni mère, ni maison pour dormir, ni pain à manger, et que tous connaissaient à 10 lieues à la ronde, quand il allait d'une métairie à une autre, aidant à conduire les bœufs, à transporter le fumier, à écorcher les bêtes mortes, à faire les basses besognes. Pour salaire, on lui donnait des coups de pied et un morceau de pain. Il dormait dans les fossés, sur le talus des champs, derrière les haies, sous l'auvent des étables. Et il vivait de charité, errant comme un chien sans maître, jambes nues et en haillons, deux bouts de culottes tenues ensemble par une corde sur ses jambes maigres et noires. Et il se promenait en chantant à gorge déployée, au soleil qui martelait sa tête pelée, jaune comme du safran. Il ne prenait ni quinine ni médicaments et n'attrapait pas la fièvre. On l'avait ramassé 100 fois, couché au travers de la route, comme un mort. Mais la malaria, ne sachant plus qu'en faire, avait fini par le laisser tranquille. Après lui avoir dévoré le cerveau et la chair des jambes, et s'être mise toute dans son ventre gonflé tel qu'une outre, elle l'avait laissé gai, comme si chaque jour fût jour de fête, chantant au soleil mieux qu'un grillon. L'idiot stationnait de préférence devant l'écurie de Valsavoia parce qu'il y passait du monde. Et il leur courait derrière des lieues durant, criant « Ouh, ouh !» jusqu'à ce qu'on lui jetât 2 sous. L'hôte lui prenait ses piécettes et lui permettait de dormir sur la litière des chevaux et quand ceux-ci échangeaient des ruades, Chirino allait réveiller le patron en criant « Ouh, ouh !» et au matin, il étrillait et soignait les bêtes. Plus tard, il s'était intéressé au chemin de fer que l'on construisait non loin de là. Les charretiers et les passants se faisaient plus rares sur la route et l'idiot, qui ne savait qu'en penser, suivait pendant des heures le vol des hirondelles et battait les paupières au soleil, essayant de se rendre compte. La première fois qu'il vit à la gare tous ces gens entassés dans les wagons, il sembla comprendre. À partir de ce jour-là, il attendit régulièrement le train, sans se tromper d'une minute, comme s'il avait eu une horloge dans la tête. Et tandis qu'il passait devant lui, en lui jetant à la figure sa fumée et ses sifflets, il se mettait à courir, les bras en l'air, en hurlant « Ouh, ouh !» L'aubergiste, lorsque le train haletait dans la malaria, ne disait rien, crachait dans sa direction en secouant la tête, devant sa maison déserte et ses bouteilles vides. Jadis, les affaires allaient si bien qu'il avait pu prendre 4 femmes l'une après l'autre, tant qu'on l'appelait le tueur de femmes, et qu'on disait que cela ne lui faisait plus rien, qu'il en eût pris une 5e, si la fille de maître Turri Orchiazza ne lui avait fait répondre « Dieu m'en préserve, je ne l'épouserai même pas, s'il était tout en or, ce chrétien-là ». Il gobe son prochain comme un crocodile. Mais on avait tort de dire qu'il lui était bien égal de perdre ses femmes, puisqu'à la mort de Comer Santa, la 4e, il n'avait pu avaler ni bouchée de pain ni gorgée d'eau, et qu'il pleurait à chaudes larmes derrière son comptoir. Cette fois, avait-il dit, j'en veux prendre une qui soit habituée à la malaria. Je ne veux plus m'exposer à des chagrins pareils. » Cependant, la malaria, qui lui abattait ses femmes l'une après l'autre, le laissait, lui, tel quel vieux et ridé, et vous n'auriez jamais imaginé que cet homme-là avait un meurtre sur la conscience, quoiqu'il s'apprêtât à prendre sa 5e épouse. Il cherchait chaque fois une femme jeune et appétissante. Sans femme, comment faire marcher un débit de boisson? Les clients s'étaient fait rares à cause de cela. Maintenant, il ne restait plus que le compère Momo, le cantonnier du chemin de fer, un homme qui ne parlait jamais et qui venait boire un verre entre deux trains, assis sur le banc à côté de la porte, ses souliers à la main pour reposer ses pieds. Les gens comme ça, la malaria ne vient pas les prendre, pensait le tueur de femmes sans ouvrir la bouche davantage. Il songeait que si la malaria avait fait mourir tous les cantonniers comme des mouches, il n'y aurait eu personne pour mettre en mouvement ce train maudit. Le pauvre, depuis qu'il s'était débarrassé du seul homme qui lui empoisonna l'existence, n'avait plus que 2 ennemis au monde. Le chemin de fer, qui lui volait ses clients, et la malaria, qui lui volait ses femmes. Tous les habitants de la plaine, même ceux qui avaient un malade dont les forces décroissaient peu à peu, ou que la fièvre avait prise à leur tour, s'en réjouissait assise à la porte, le mouchoir en tête, la houppelande au dos, en voyant l'herbe qui montait verte et brillante, les épis onduleux comme la mer, et il suivait la lente cantilène des moissonneurs. Tous les sentiers étaient pleins du son des cornemuses, derrière lesquelles arrivaient de Calabre, pour la moisson, blancs de poussière et courbés sur leurs besaces, des troupes de paysans suivis de leurs femmes. Ils boitaient de fatigue, et tournaient des visages brûlés et las vers la route qui s'allongeait à l'infini. Et au bord de chaque fossé, derrière chaque buisson d'aloès, à l'heure où le soir tombe comme un voile gris, résonnait le sifflement du gardien parmi les épis mûrs et silencieux, immobiles après la chute du vent, envahis eux aussi par le calme de la nuit. Voilà, pensait le tueur de femmes, tous ces gens-là, s'ils réussissent à ne pas laisser ici leur peau et à rentrer chez eux, ce sera avec des sous en poche. Mais lui, plus rien. Lui n'attendait ni la moisson, ni rien d'autre, et il n'avait pas le courage de chanter. Le soir tombait si triste sur la grande écurie vide et l'auberge sombre. À 7 heures, le train passait au loin en sifflant, et compère Momou se tenait à côté de sa cabane, le petit drapeau entre les mains. Et jusqu'à ce que le train disparût dans les ténèbres, on entendait Chirino l'idiot qui courait derrière en hurlant « Ouh !» Et le tueur de femmes pensait que pour ces malheureux-là, il n'y a pas de malaria. Enfin, lorsqu'il ne put plus payer le loyer de la maison et de l'écurie, la propriétaire, quoiqu'il y eût 57 ans qu'il y habitait, l'en expulsa, et le tueur de femmes se vit réduit à demander un gagne-pain au chemin de fer et à tenir à son tour le petit drapeau quand le train passe. Alors, las de courir du matin au soir le long de la voie, à bout d'années et de mots, il voyait 2 fois le jour la longue file de voitures bourrées de monde. Les joyeuses compagnies de chasseurs qui s'éparpillaient par la plaine, parfois un paysan jouant de l'orgue de barbarie, tête baissée, rencoigné sur une banquette de 3e, les belles dames qui penchaient la tête à la portière, enveloppées d'un voile, l'argent et le cuir des valises qui brillaient sous la lampe, les hauts dossiers bien rembourrés et couverts de dentelles. Ah, comme ce devait être agréable de voyager là-dedans, d'y faire un petit somme. Il semblait qu'un morceau de la vie le défilât devant lui avec l'éclairage des rues et les boutiques étincelantes. Puis le train se perdait dans la vaste brume du soir, et le pauvre homme, ôtant un moment ses souliers, murmurait assis sur son banc : « Ah, pour des gens comme ça, il n'y a vraiment pas de malaria !»